بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours numéro 42 aujourd'hui dans l'explication du livre de l'imam al-Sabuni Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et c'est aujourd'hui donc on est dans le chapitre, on avait expliqué qu'on était dans le chapitre Al-Iman bil Hawdi wal Kawthar, la foi en la fontaine ou le bassin duquel les croyants vont s'abreuver au jour de la résurrection. Et Al-Kawthar, c'est la rivière que Allah a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et le bassin, le breuvage qui est dans ce bassin là, il coule à partir de cette rivière qui est dans le paradis. Maintenant, on va lire la partie où le cheikh explique, il dit wa qala rahimahullah wa idkhalu fariqin min al-muwahhidin al-janna bighayri hisab. Warada fi hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala 'uridat 'alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiy wa ma'ahu ar-ruhd ar-ruhayt والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب ثم نهض فدخل منزله فخاد الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قال رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قال سبقك بها عكاشة سدا للذريعة حتى لا يأتي غيره وغيره فيطلبون مثل هذا وقد يسأله هذه الشفاعة من لا يستحقها وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم في سد الذرائع. نعم. Donc ici le cheikh il explique un point par rapport à cette question ici, parce qu'il parle du sujet que le cheikh a mentionné que il y a des gens parmi les musulmans, parmi les gens du tawhid, qui vont rentrer au paradis, mais ils n'auront aucun jugement ni châtiment. Et il a été rapporté dans un hadith selon Abdullah ibn Abbas, et c'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui clarifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a présenté les nations des différents prophètes. Alors il dit, j'ai vu un prophète qui est venu, qui est arrivé, et il avait un petit nombre avec lui. Il n'y en a pas plus que 10. Et j'ai vu un autre prophète qui est venu. Il y a seulement une ou deux personnes qui l'ont suivi. Donc sa nation, c'était 2 personnes. Et l'autre prophète, j'ai vu un autre prophète qui est venu, il n'avait personne avec lui du tout. Il était tout seul. Personne ne l'avait suivi. Il dit, et là j'ai levé mes yeux, j'ai levé mon regard, j'ai vu une grande masse de personnes. J'ai cru que c'était ma umma. Alors on m'a dit, voilà la umma, la nation de Moussa alayhi salam. Ainsi que, donc c'est Moussa et son peuple. Alors on m'a dit, mais regarde encore plus loin à l'horizon. Et j'ai vu, il dit, j'ai vu une autre masse immense de monde. Et on m'a dit, regarde l'autre plus loin à l'horizon encore. Il dit, j'ai vu une masse de monde encore plus grande. On m'a dit, celle-ci c'est ta umma. Et il y a avec eux 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Alors, il est entré chez, il s'est levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Il est en train de leur expliquer ça. Puis il s'est levé, puis il est rentré chez lui. Alors, les sahaba qui ont entendu son explication, ils ont commencé à discuter entre eux pour essayer de savoir de qui il pouvait s'agir. C'est-à-dire, qui sont ces 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Alors, certains d'entre eux ont discuté, ils discutaient entre eux, et certains d'entre eux ont dit que ce sont probablement ceux qui ont été les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam, qui n'ont jamais fait le shirk auparavant. Et ils ont mentionné d'autres choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti par la suite, plus tard, et il les a vus en train de discuter. Il leur a dit, à quel sujet est-ce que vous êtes en train de discuter? Alors, ils lui ont dit, nous discutions à savoir qui sont les 70 000 qui n'auront ni jugement ni châtiment. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, et qui ne, yani, ils ne croient pas aux superstitions et aux mauvais présages, hein, et qui mettent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Yani, après, il y a un compagnon qui s'est levé, et il s'appelait Ukasha ibn Mihsan. Et il a dit, ô messager d'Allah, fais un dua à Allah pour qu'il fasse que je sois parmi ces 70 000. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras l'un d'eux. Alors, un autre homme s'est levé encore, et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois moi aussi un d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ukasha t'a précédé. Hein? Ukasha t'a devancé. Donc, le cheikh explique que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ukasha t'a devancé, c'est pour fermer la porte à ce que tout le monde commence, pour pas que tout le monde commence à dire demande pour moi, demande pour moi, demande pour moi. Parce que si Ukasha il demande, et après, un autre se lève, il demande lui aussi. Et là, tout le monde va commencer à se lever pour demander, ô messager d'Allah, demande. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé la porte à ça en disant, Ukasha t'a devancé. Et en même temps, le cheikh a dit, c'est possible qu'il y a des gens qui vont lui demander ça pour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intercède pour eux, alors qu'ils ne méritent pas. Alors, pour éviter ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte en disant « Ukasha t'a devancé ». Ensuite, le cheikh il dit « Wa warada aydan anna ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yu'ti ma'a as-sab'ina alfan kama fi ahadith ukhar ma'a kulli alf sab'ina alfan ma'a kulli alf sab'ina alfan. » Donc, le cheikh explique, il dit que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un autre hadith que parmi les 70 000, pour chaque 1000, il y a 70 000 de plus. Pour chaque 1000, il y a 70 000 de plus. Donc, ça veut dire 70 fois 70 000. C'est-à-dire pour chaque 1 000, parmi les 70 000, pour chaque 1 000, il y a 70 000 de plus. Ça veut dire 70 fois 70 000. Ça veut dire que il y en aura 70 fois 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. T'as compris? Naam. Et c'est rapporté par un grand nombre de sahaba, hein, parmi les sahaba. Et Cheikh Al-Albani, il a rapporté cette narration-là qui mentionne ça. Parmi les hadiths authentiques, je crois que c'est dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith 2179. Le Cheikh, il dit ensuite, وورد أيضا وي سي وفريق منهم يحاسب حسابا يسيرا قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا واستشكلت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقال أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فقال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب يعني الذي يدقق معه في الحساب لا بد أن يعذب أما الحساب اليسير فهو العرض فقط، تعرض الأعمال بدون مناقشة فيدخل الجنة، وهذا أيضا بدون حساب ولا عذاب، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. يعني هذين الصنفين قوم يدخلون الجنة بلا حساب، قوم يدخلون الجنة بلا حساب وقوم يحاسبون حسابا يسيرا. فهذان الصنفان يدخلون الجنة بغير سوء، لا بالقول ولا بالتعذيب الفعلي، ولا يمسهم شيء من هذا. Donc le cheikh explique ensuite, il dit qu'il y a un groupe de gens qui vont être jugés d'un jugement qui est facile. Le jugement, il va être facile pour eux, aisé. Et ça, c'est tiré du verset 7 à 9 dans Surat Al-Inshiqaq, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, « Celui qui recevra son livre par sa main droite, il va être jugé d'un jugement facile et il va retourner auprès de sa famille heureux. » Aïcha radiallahu anha, elle a trouvé ce verset-là et elle a dit, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il n'y a personne à qui on va juger, il n'y a personne qui va être jugé au jour de la résurrection, excepté qu'il va périr. Et elle a dit, n'est-ce pas que Allah azza wa jal dit dans le Coran, celui qui reçoit son livre de sa main droite, il aura un jugement facile et il va retourner auprès de sa famille heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit à ce sujet, ça c'est seulement la présentation des œuvres. Mais quiconque on va débattre son jugement ou argumenter dans son jugement, eh bien, c'est certain qu'il serait châtié. Hein? Mais si c'est juste présenter les œuvres et dire, est-ce que tu acceptes ces actions-là, tu les as faites, oui ou non? Oui? Ok. Donc, ça, c'est un jugement facile. On lui montre ses œuvres et il accepte. Alors, dans ce cas-là, c'est un jugement facile. Mais s'il commence à débattre les choses, non, j'ai pas fait ça. Oui, j'ai fait ça. là, c'est certain qu'il va être châtié. Et donc, c'est ça que le cheikh, il explique ici. Il dit que celui à qui on va regarder de façon détaillée, minutieuse, son jugement, c'est certain qu'il va être châtié. Mais le jugement facile, c'est quoi? C'est seulement présentation des œuvres. Seulement. Donc, on va lui montrer ses œuvres sans argumenter ou débattre les différentes choses. Hein? Et lui, il va rentrer donc au paradis sans jugement ni châtiment. Et donc, il dit le fait d'entrer au paradis sans jugement, c'est-à-dire sans jugement ni châtiment, ça veut dire qu'il n'y a aucun mal qui va le toucher et aucun châtiment qui va l'atteindre. Et donc, ça, c'est les deux catégories mentionnées, des gens qui rentrent au paradis sans jugement et des gens qui rentrent au paradis avec un jugement qui est facile, c'est deux catégories différentes. Et donc, il dit, ces deux catégories-là, ils vont rentrer au paradis sans que du mal hein, leur arrive, ni par la parole, ni par le châtiment, ni par les châtiments, il n'y a rien qui va les toucher de ça. Après, il dit, « Wa idkhalu fariqin min mudhnibihim an-nar, ya'ni min al-mu'minin, وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لما يقوله غلاة المرجئة فغلاة المرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة وأن إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد عليه الصلاة والسلام وبعض غلاتهم يقول من عرف الله فهو مؤمن فهؤلاء أهل ضلال لأنه لا بد من الإيمان ولا بد من العمل فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمرجئة عندهم أن العمل لا يدخل في الإيمان وليس من الإيمان وأنه يكفي عندهم المعرفة أو التصديق فقط والعياذ بالله وفقهاء المرجئة يخرجون العمل من الإيمان وعندهم أنه لا يزيد ولا ينقص لأنه إذا نقص عندهم انتهى وذهب كله والعياذ بالله ولكن القرآن والسنة يدلان على أن الإيمان يزيد وينقص. Donc ici le cheikh il explique que il y a également ensuite il dit l'imam al-Sabouni que Allah Azza wa Jal va faire entrer également un groupe d'entre les pécheurs parmi les musulmans en enfer. Il va les faire entrer en enfer. C'est-à-dire, parmi les croyants. Et ça, c'est la aqida des gens de Ahl-Sunnat wal-Jama'a. Contrairement à ce que disent la secte des Murji'a. Surtout les extrémistes parmi les Murji'a. Ils disent que quiconque a dit la ilaha illallah, il entre au paradis. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'il rentre en enfer. Et le cheikh, il dit ça, c'est une secte qui est égarée, qui est déviée. Ils pensent que leur foi est comparable à celle de Jibril, ou de Mikaïl, ou de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la secte des Murji'a, c'est une secte qui est déviée par rapport à la compréhension de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? Pour eux, pour cette secte des Murji'a, la foi, c'est une chose qui est toujours pas la même pour tout le monde. Il n'y a pas une foi qui monte, il n'y a pas une foi qui descend, il n'y a pas une foi plus forte chez quelqu'un ou moins forte chez une autre. Non. Pour eux, la foi de tous les croyants, c'est la même foi égale pour tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la même foi. Abu Bakr, il a la même foi. Hein? Et après, les anges, même si c'est un musulman, du moment qu'il est musulman, même s'il vole, même s'il ne fait pas la salat, même s'il fait des péchés, il fait le zina, il mange du porc, il boit de l'alcool, il ne fait pas la salat, il a la même foi que les anges et que les prophètes et que les sahaba. Ça, c'est absurde. Cette croyance-là, c'est une croyance déviée qui contredit le Coran et la Sunna. Parce que c'est pas possible que tu dises quelqu'un qui fait pas la salat, qui jeûne pas, qui mange du porc, qui boit de l'alcool, qui fait le zina, qui tue des gens, puis que tu dis lui sa foi c'est la même chose que la foi des prophètes ou des sahaba. Ça fait du sens ou ça fait pas de sens? Ça fait du sens ça? Ça fait pas de sens. Mais eux ils disent ça. Et en plus ils disent une personne sa foi elle est toujours forte, toujours complète. Elle peut pas diminuer, elle peut pas augmenter. Alors que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il mentionne clairement que la foi, elle augmente. Et que la foi aussi peut diminuer. Donc, cette croyance, elle est basée sur la philosophie. Elle est basée sur des définitions linguistiques et sur de la philosophie. Elle n'est pas basée sur la révélation. Elle n'est pas basée sur le Coran et sur la Sunna. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils ont dévié dans la définition de la foi. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils disent... Du moment que tu dis « La ilaha illallah », tu rentres au paradis. Peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu ne fais pas, tu rentres au paradis. Et ils disent que ta foi, elle est comme celle des anges, comme celle des prophètes, comme celle des sahaba. Et certains parmi les extrémistes d'entre eux, comme les Jahmiyyah, eux, ils disent encore plus pire que ça. Ils disent « Du moment que tu connais Allah, alors tu es un croyant. Peu importe qu'est-ce que tu fais. » Eux-mêmes, ils considèrent même que Iblis, c'est un croyant. Et Pharaon aussi. Parce qu'ils disent, il connaît Allah. Il sait que Allah existe. Donc, il est croyant. Est-ce que Iblis, le shaitan, il sait que Allah existe? Oui. Donc, pour eux, il est croyant à cause de ça. Et Pharaon, est-ce qu'il reconnaît que Allah existe? Oui, il reconnaît. Même s'il dit avec sa bouche, il le nie avec sa bouche. Mais Allah, il mentionne dans le Coran qu'il reconnaît ça dans son cœur. Donc pour eux, c'est suffisant. Il est croyant, même s'il ne se soumet pas, même s'il ne déclare pas la foi, même s'il n'accepte pas ouvertement la foi, pour eux, c'est considéré comme un croyant. Donc tu vois l'égarement de ces gens-là, à quel point ça peut les amener. Et donc c'est pour ça que le cheikh dit, ces gens-là sont des gens d'égarement. Et donc il dit, il faut absolument, pour que la foi soit réelle et soit bonne, il faut qu'elle soit accompagnée des œuvres. Et donc, il dit que la foi, elle est la définition de la foi selon les ulama d'Ahlus Sunnah, selon les preuves du Coran et de la Sunnah, c'est la définition suivante. Ils disent que la foi, c'est une parole, c'est composé de la parole et des actions et de la croyance du cœur. Elle augmente quand tu fais des bonnes œuvres. Ta foi, elle augmente quand tu fais des bonnes œuvres. Et ta foi, elle diminue quand tu fais des péchés. Ça, c'est la définition de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les Sahaba, les Tabi'in, et les imams d'Ahlus Sunnah. À travers les siècles, ils ont toujours affirmé la foi comme étant une parole, la parole, l'action, la croyance du cœur. Elle augmente avec les bonnes œuvres, elle diminue avec les péchés. Mais les gens de Bid'a, eux, ils refusent cette définition-là. Ils disent non, la croyance ou la foi, ils disent la foi, c'est seulement soit la connaissance du cœur ou la reconnaissance de la vérité dans le cœur. C'est juste ça. Les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Ça veut dire que même si tu fais tous les péchés au monde, tu es un croyant, ta foi est complète. Et même si tu négliges toutes les obligations de la religion, ta foi est complète quand même. Hein? Ça, c'est la croyance de la secte des Murji'a. Et ça, tu vois beaucoup de musulmans, même à notre époque aujourd'hui, ils ne disent, ils savent même pas. Hein? Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font, que ça fait partie des, qu'est-ce qu'ils disent, que ça fait partie des croyances d'une secte qui est déviée. Sauf qu'ils répètent ces paroles-là souvent. Tu l'entends? Et je te donne un exemple. Peut-être que ça va te donner une idée. Lorsque tu dis à quelqu'un, s'il ne fait pas la salat, mon frère, tu fais la salat. Il te dit, la foi, c'est dans le cœur. Hein? Donc, s'il dit la foi, c'est dans le cœur, ça veut dire que la foi, c'est pas dans la salat. C'est-à-dire, le fait de faire la salat, ça n'a pas rapport avec la foi. Du moment que J'ai la foi dans mon cœur, même si je ne fais pas la salate, c'est ça qui est important, c'est que j'ai la foi. Or, de faire la salate, ça fait partie de la foi. Donc, si tu ne la fais pas, eh bien, il y a un problème avec ta foi. Ta foi, elle est, soit elle est faible, ou soit elle est absente complètement. Et même Allah Azza wa Jal, il a appelé la salate dans le Coran, il l'a appelé foi, il l'a appelé iman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » en faisant référence à la salat. Allah ne va pas vous faire perdre votre iman en voulant dire votre salat. Il a dit ça quand? Il a dit ça quand les sahaba, ils ont changé la qibla. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de changer la direction de la qibla, les gens se sont tournés 180 degrés. Il priait comme ça. Et puis Allah Azza wa Jal a dit, tournez-vous et priez dans l'autre sens. Hein? Maintenant, vous n'allez plus prier vers Beitul Maqdis, hein, vers Jérusalem. Non. Maintenant, vous allez prier vers la Kaaba, à la Mecque. Beitul Maqdis, c'est dans le nord. Donc, ils priaient vers le nord. Allah leur a fait changer de qibla. Ils ont prié maintenant vers le sud, vers la Kaaba. Alors, les sahaba qui avaient, qui ont changé, la, qui ont, quand ils ont reçu l'ordre de se tourner dans la salat, ils ont dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce qui va arriver à tous les sahaba qui sont morts et qui ont prié, eux, vers le nord, vers Beitul Maqdis? Est-ce que leur salat, elle va être perdue? Est-ce qu'ils ont, ils n'auront pas la récompense pour leur salat puisque la, cette qibla n'est plus bonne? Et Allah Azza wa Jal a révélé dans Surat Al-Baqarah à ce sujet, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne va pas vous faire perdre votre foi. C'est-à-dire, la salat que vous avez faite à l'époque, lorsque la Qibla c'était vers le nord, eh bien c'était ça la foi, à ce moment-là, de faire la salat vers le nord. Maintenant qu'ils ont changé la Qibla, maintenant que Allah a abrogé l'ordre de prier vers Baitul Maqdis, et qu'il a ordonné maintenant de prier vers la Qibla vers Mecca, vers la Kaaba, alors la foi maintenant, c'est de prier vers Mecca. Et donc, celui qui à l'époque faisait qu'est-ce qui était ordonné, sa foi ne sera pas perdue. Et celui aujourd'hui qui prie vers la Kaaba, c'est sa foi, elle est complète parce que il respecte l'ordre qui est abrogeant. D'accord? Donc, ici, c'est pour comprendre que les actions font partie de la foi. Et le cheikh, il va mentionner d'autres arguments à ce sujet-là, déjà, malgré qu'on a déjà parlé de ça dans les premiers chapitres. Mais le cheikh, il fait un rappel en même temps là-dessus. Donc, il dit, les murji'a, eux, ils considèrent que les actions n'entrent pas dans la définition de la foi, et que c'est suffisant juste de connaître Allah ou de reconnaître la foi en Allah et que ça c'est suffisant. Et donc il dit, il y a un autre groupe parmi les murji'a, parce qu'il y a des différentes catégories de murji'a. Il y a les extrémistes qui disent que la connaissance d'Allah c'est suffisant pour être croyant. Ça c'est les extrémistes. Il y a un autre groupe comme les Asha'ira. Hein? Les Asha'ira, eux, ils disent que c'est la tasdiq, hein, le fait de reconnaître la véracité de l'islam et de la foi, ça c'est suffisant pour être croyant, même si tu ne fais pas les œuvres. Et il y a les fuqaha, ceux qu'on appelle fuqaha al-murji'a, murji'atul fuqaha, eux, ils excluent les actions de la foi et ils disent que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et ils disent que si ta foi diminue, alors elle est complètement partie. C'est-à-dire, soit si tu en perds une partie, tu perds tout. Hein? Et à ce moment-là, ils ont un point en commun avec les Khawarij. Parce que les Khawarij aussi, ils croient ça. Que si tu perds une partie de ta foi, tu perds tout. C'est pour ça qu'ils disent que si tu fais un grand péché, eh bien, tu deviens mécréant. Donc les Murji'a, eux, ils ont la même idée à la base, que si tu perds une partie, tu perds tout. Donc, ils considèrent que tu ne peux pas le perdre. Tandis que les Khawarij, ils disent, oui, tu peux le perdre. Et tu sors de l'islam. Les Khawarij, les Murji'a, c'est l'opposé des Murji'a. Les Khawarij sont l'opposé des Khawarij. Les Murji'a et les Khawarij sont deux sectes qui s'opposent à deux extrêmes par rapport à la foi. De toute façon, on a déjà expliqué ça, puis on va en parler plus en détail, Inch'Allah, plus tard. Donc, le Cheikh, il dit donc que les Murji'a, eux, ils disent donc que les actions ne font pas partie de la foi, et que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, et que si elle descend ou si elle baisse, ça veut dire qu'elle part en entier, wal'iyadu billah, tandis que le Coran et la Sunna prouvent clairement que la foi augmente et diminue. Et là, le Cheikh, il va mentionner quelques preuves à ce sujet-là. Il dit, fal Coran, وردت فيه آيات كثيرة أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي ومنها قوله تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في زيادة الإيمان ووردت أحاديث دلت على النقصان كما في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعنده مثقال دينار من إيمان ومثقال درهم من إيمان ومثقال نصف دينار ومثقال شعير ومثقال ذرة وأدنى مثقال ذرة. هذه أدلة على أن الإيمان ينقص. وهؤلاء الذين عندهم أن الإيمان الناقص ورجحت سيئاتهم على حسناتهم هؤلاء تحت المشيئة منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه فيدخل أقوام النار بذنوبهم ويعذبهم الله بقدر هذه الذنوب ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين وبمحض رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخراج بإخوانهم الذين سبقوهم إليها يعني كما ورد في أحاديث الشفاعة. Ok, donc ici le Cheikh explique que il y a des versets dans le Coran qui prouvent que il y a beaucoup de versets dans le Coran qui prouvent que la foi elle augmente avec les bonnes œuvres et qu'elle diminue avec les péchés. Parmi ces versets là, le verset 31 dans Sourate Al-Muddathir, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et Allah fait augmenter les croyants en foi, en iman. Il fait croître leur iman. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Et pour que les gens qui ont reçu le livre ainsi que les croyants ne doutent pas. Après, il mentionne un autre exemple, le verset 17 dans Sourate Muhammad, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie Et Allah fait augmenter en guidance ceux qui ont été guidés et il leur donne leur piété. Et le verset 4 dans Surat Al-Fath, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et c'est lui qui a fait descendre la tranquillité sur les cœurs des croyants pour qu'ils augmentent en foi, pour qu'ils augmentent de la foi à leur foi. Donc ils rajoutent de la foi à leur foi. Donc ça, c'est les preuves que la foi, elle augmente. Et il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet-là dans la question de l'augmentation de la foi. En ce qui concerne la diminution de la foi, lorsque des gens commettent des péchés, la preuve, c'est dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, lorsqu'il mentionne à propos de l'intercession au jour de la résurrection, qu'il va faire sortir de l'enfer quiconque a dit « La ilaha illallah » et qui possédait le poids d'une pièce d'or de foi. Et il mentionne aussi ceux qui, tous ceux qui possédaient le poids d'une pièce d'argent de foi. Et ensuite, il dit, et tous ceux qui possédaient la moitié d'une pièce d'or de foi. Et ensuite, il dit, la moitié d'une, il a dit, le, tous ceux qui possédaient le poids d'une graine de blé. Et après, il mentionne, il dit, tous ceux qui possédaient un atome de foi. Et il dit, et tous ceux qui possédaient la plus petite particule de, d'atome. Hein? En voulant dire, yani, le poids de la plus petite atome qui soit. Yani, du moment qu'ils ont ça, Allah les fait sortir de l'enfer. Donc, un atome de foi, c'est rien. C'est-à-dire, c'est pas que c'est rien. C'est quelque chose, mais c'est extrêmement petit. Hein? Parce qu'il y a des gens dont la foi est comme une montagne. Hein? Il y a des gens dont la foi est comme une montagne. Tandis qu'il y en a d'autres, leur foi est tellement faible qu'elle est comme une graine de blé ou bien comme yani, un atome. C'est petit. Malgré ça, ils vont sortir de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait de shirk. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit, ça, c'est la preuve que la foi, elle peut diminuer. Et que ces gens-là, du moment qu'ils avaient une foi, même si elle est faible, eh bien, yani, ils vont pouvoir sortir éventuellement de l'enfer s'ils y sont rentrés. Il dit que ceux dont la foi était faible, si les actions qu'ils avaient faites, leurs péchés, lorsqu'on le met dans la balance, si leurs péchés sont plus lourds que leurs bonnes œuvres, eh bien, ceux-là seront sous la volonté d'Allah. Allah peut décider de leur pardonner par sa miséricorde et les faire rentrer au paradis malgré leurs péchés, parce qu'il va les pardonner, donc il va leur laisser rentrer au paradis, parce que c'est des croyants, parce que c'est des gens du tawhid. Mais c'est possible aussi que Allah décide de les châtier par sa justice pour les purifier de leurs péchés. Donc ils vont rentrer en enfer pour un certain temps. Mais parce qu'ils étaient sur le tawhid et la foi en l'unicité d'Allah, eh bien, ils vont, même s'ils entrent en enfer, ils ne vont pas y rester définitivement. C'est-à-dire qu'ils vont en sortir avec l'intercession des intercesseurs et par sa miséricorde, ou bien par sa miséricorde simple, pure et simple. Soit que Allah les fait sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs, ou bien parce qu'il décide de faire miséricorde seulement, hein, par sa pure miséricorde. Et le cheikh, il dit ensuite, et c'est pour ça que il dit, l'imam As-Sabouni, il dit, il va libérer, hein, et faire sortir de l'enfer tous ceux qui ont eu de la foi, et il va les faire rejoindre leurs frères qui les ont précédés dans le paradis. Ensuite, il dit, comme cela a été mentionné dans les hadiths au sujet de l'intercession. Le cheikh, il dit, « Yashfa'u al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi irahati al-nas min al-mawqif, wa hiya al-shafa'atu al-uzma, wa yashfa'u fi qawmin yastahiquna dukhul al-nar, أن لا يدخلوها ويشفع في أقوام بأن يرفع درجاتهم في الجنة ويشفع في أبي طالب وهو في أعماق النار فيخرج من ضحضاح من النار ويشفع هو والنبيون والملائكة وسائر المؤمنين في العصاة الذين دخلوا النار فيخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين. نعم. Donc le cheikh, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, il va donc intercéder à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux. Premièrement, il va y avoir la grande intercession que le prophète صلى الله عليه وسلم va faire, hein, en demandant à Allah Azza wa Jal donc de reposer les gens, hein, au jour de la résurrection, parce qu'ils attendent pendant très longtemps pour que le jugement puisse commencer. Donc ça, c'est la grande intercession. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va la faire. Ensuite, l'intercession pour ceux qui méritent d'entrer en enfer, pour que Allah ne les fasse pas rentrer en enfer. Donc ça, c'est une autre intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura aussi une autre intercession dans le but de faire élever en degré dans le paradis des gens qui rentrent au paradis pour qu'ils aillent plus haut dans le paradis. Et il y a une autre intercession aussi qui est celle de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il va intercéder, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour son oncle Abu Talib pour que Allah azza wa jal allège son châtiment dans l'enfer. Donc, au lieu d'être dans les profondeurs de l'enfer, Allah Azza wa Jal va lui donner un châtiment moins sévère, moins dur. Et malgré ça, c'est un châtiment qui est extrêmement grand. Sauf qu'il est moins grand que celui des autres habitants de l'enfer parce qu'il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mouchriquins. À cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura une intercession pour lui. Et ça, c'est spécifique à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une autre intercession, mais cette intercession-là, ce sera pour les autres prophètes aussi, ainsi que les anges et ainsi que les croyants. Ils vont pouvoir intercéder en faveur de ceux qui sont entrés en enfer parmi les croyants pour les faire sortir de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jal va les faire sortir soit par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit l'intercession des prophètes, ou soit l'intercession des anges, ou soit par l'intercession des croyants. Donc ça, c'est différentes intercessions qui vont être au jugement dernier. Ensuite, le cheikh il dit والصنف والمصنف رحمه الله ينبه في هذا الكلام على مذهب المرجئة الغلاة كما ذكرنا وينبه أيضا على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العبد من الإيمان بارتكاب الذنوب الكبائر فالخوارج عندهم يخرج صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية إذا إلى دائرة الكفر فهذا كافر بارتكاب هذا الذنب ويستبيحون دمه وماله ومن هذا المنطلق أثاروا فتنا عظيمة على الإسلام والمسلمين وسفكوا دماء المسلمين بهذه العقيدة الخبيثة ولهذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم فقال أينما وجدتموهم فاقتلوهم وقال ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فهم شر على الإسلام والمسلمين أكثر من اليهود والنصارى كما قال فيهم العلماء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur Imam al-Sabouni rahimahullah il porte l'attention dans cette explication qu'il donne au sujet de la secte des Murji'a, des extrémistes parmi eux, comme on l'a mentionné déjà. Et également, il porte l'attention aussi sur la secte des Khawarij et des Mu'tazila, puisque eux, ils considèrent que le musulman qui a commis un grand péché, il sort de la foi complètement et il devient mécréant. Donc pour eux, le musulman qui fait un grand péché, il est kafir, il sort de l'islam. Et son sang et ses biens deviennent halal pour eux. Ils disent on a le droit de prendre sa vie, on a le droit de le tuer, parce qu'il est mécréant, parce qu'il a fait des péchés, donc son sang est licite pour nous, on a le droit de le tuer. Et ils disent ensuite qu'ils ont le droit aussi de prendre ses biens, tout ce qui lui appartient. Donc ça, c'est des extrémistes, c'est des égarés, et il y en a aujourd'hui de ces gens-là, comme des groupes extrémistes, comme Al-Qaïda, Boko Haram, Al-Qaïda, et toutes ces tendances djihadistes, des groupes d'extrémistes qui appellent à ce genre d'idéologie et de rendre mécréants les dirigeants dans les pays musulmans en disant qu'ils font des péchés ou qu'ils n'appliquent pas la charia ou des choses comme ça, sans distinguer et sans clarifier, sans rentrer dans les détails et sans retourner aux paroles des savants, des grands savants de l'islam, justement à ce sujet-là. Parce que ce n'est pas des individus ignorants qui ont le droit de juger dans ces grandes questions, parce que c'est des questions extrêmement compliquées. Ça demande une grande science, une grande compréhension pour être capable de juger dans ces domaines-là. Donc ce n'est pas n'importe qui parmi les musulmans qui peut se permettre même de parler de ces sujets-là. C'est seulement les savants de l'islam qui ont le droit de rentrer dans ce genre de domaine. Hélas, ces gens-là, ils sont ignorants, ils ne savent rien de la religion. Et même parfois, certains d'entre eux, ils ne savent même pas parler l'arabe, ils ne connaissent même pas la langue arabe. Mais malgré tout, ils se permettent de juger dans ces grandes questions et de rendre mécréants qui ils veulent et de déclarer mécréants qui ils veulent sans aucune connaissance, sans aucune compréhension dans ces questions-là. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que les ulama, ils ont dit de déclarer un musulman mécréant, c'est plus grave que de le tuer. C'est plus grave que de le tuer. Et en même temps, ils ont dit aussi, celui qui déclare son frère musulman mécréant, eh bien, ça peut revenir sur lui. D'accord? Donc, c'est extrêmement grave de faire ce genre de jugement. Surtout si la personne, elle le fait sans aucune preuve et en se basant purement sur la passion et sur l'ignorance. Donc, il voit quelqu'un, un musulman qui boit de l'alcool, il dit « Ah, lui, c'est pas un musulman, il boit de l'alcool. » Comment ça, il est plus musulman? Tu dis que parce qu'il boit de l'alcool, il est plus musulman? Tu peux dire « Ok, ça, c'est un musulman qui est pécheur. » Tu peux dire « C'est un musulman dont la foi est faible. » Mais de là à dire qu'il n'est pas musulman parce qu'il a bu de l'alcool, ça, c'est extrémiste. Ça, c'est grave. Parce que les ulama de l'islam, ils disent, si le musulman, il commet un péché, comme par exemple, il boit de l'alcool, du moment qu'il reconnaît que l'alcool, c'est haram, ça fait de lui un pécheur. Mais de là à le faire sortir de l'islam, ça, c'est pas permis. Mais s'il nie l'interdiction de l'alcool, alors là, ça c'est autre chose. Soit qu'il le nie avec connaissance, donc s'il le nie avec connaissance, là, ça le fait sortir de la foi, ça le fait sortir de la religion complètement, parce qu'il nie quelque chose qui fait partie de la religion. Donc ça, c'est de la mécréance. Mais s'il le nie par ignorance aussi, si par exemple la personne ne sait pas, elle n'a jamais appris rien sur l'islam, elle ne savait même pas que c'était haram, puis elle le nie, alors là, cette personne-là, si elle avait une excuse, dans le sens qu'elle n'avait pas connu de gens qui connaissent l'islam, il n'y a personne qui lui a enseigné la religion, donc elle est excusée dans ce cas-là, pour son ignorance. Mais il faut lui apprendre, il faut lui expliquer. Non, l'alcool, c'est haram, Allah il le dit dans le Coran, il mentionne dans le Coran à propos de l'interdiction de l'alcool, donc ça c'est haram. Celui qui le boit, il commet un grand péché. Mais si, après avoir montré les preuves, après avoir expliqué les preuves, il persiste à le rendre halal, et à dire que c'est halal, alors dans ce cas-là, ça c'est de la mécréance. Ça peut rentrer dans l'ignorance aussi. Comme tu dis, quelqu'un par exemple, à qui qui a grandi dans une société où on lui fait croire que l'alcool, par exemple, c'est pas haram, c'est seulement makruh. Ou bien des choses comme tu dis, comme ça. Ça, c'est parce que les gens sont ignorants, connaissent pas la religion. Et donc, par conséquent, on leur fait croire que c'est pas haram, c'est makruh seulement. Or, c'est une erreur, puisque c'est pas seulement makruh, c'est clairement muharram. Yani, il y a des interdictions claires et explicites sur le fait que ces choses-là sont strictement interdites et que celui qui le fait, il commet un péché. Et celui qui s'en abstient, il est récompensé. D'accord? Donc, si quelqu'un il est dans la situation où il vit dans cette société-là et les gens, ils ne cherchent pas la science et ils sont dans l'ignorance et ils ne font que suivre culturellement ou traditionnellement et ils se basent sur les... comme c'est sur ce que les gens se racontent de bouche à oreille pour comprendre la religion, non pas sur qu'est-ce qui est basé clairement sur les paroles des savants de l'islam et les preuves du Coran et de la Sunna. Alors dans ce cas-là, oui, ces gens-là sont dans l'ignorance, c'est clair. C'est parce que en fait, ces gens-là, ils mélangent entre deux choses. Lorsque les gens commettent des péchés ou vivent dans les péchés, c'est bien de dire Allahu Ghafur Rahim dans le sens que de ne pas fermer la porte à la repentance pour la personne qui a commis ce péché-là. Mais en même temps, c'est important de leur faire savoir que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave et qu'ils doivent cesser de le faire. Et les ulama de l'islam, ils ont toujours insisté sur at-targhib wa at-tarhib. At-targhib, ça veut dire tu vas mentionner à la personne les récompenses et les choses qui vont l'inciter à vouloir faire le bien par amour du bien. Et at-tarhib, c'est le fait de leur faire peur en leur mentionnant la menace et les châtiments reliés à des péchés et des choses qui sont reliées justement à « si tu fais ça, ça c'est très très grave, c'est un péché » et ainsi de suite. Donc, il faut savoir utiliser ces deux moyens-là, at-tarhib ou at-tarhib, puisque sinon, si tu fais seulement at-tarhib, ou si tu fais seulement at-tarhib, eh bien ça peut amener à des extrémismes ou à des positions extrêmes. Et je sais que dans certaines sociétés, en particulier les sociétés où il y a beaucoup de tasawuf, beaucoup de soufisme qui s'est propagé, eh bien ils ne font jamais de tarhib. Jamais. Ils ne vont jamais faire peur. Ils ne vont jamais mentionner les menaces. Ils ne vont jamais mentionner les punitions. Ils ne vont jamais mentionner les règles. Et ils laissent les gens dans l'ignorance et ils les appellent à se reposer sur la miséricorde et le pardon. Et les ulama de l'islam ont expliqué que de se reposer uniquement sur la miséricorde et sur le pardon et sur l'espoir sans faire les causes et sans prendre les moyens nécessaires pour justement sortir du péché, eh bien ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ghurur. Hein? Al-ghurur, c'est-à-dire c'est une forme de tromperie. C'est comme s'ils se trompaient eux-mêmes en pensant qu'ils peuvent continuer à vivre dans le péché et continuer à espérer en la miséricorde d'Allah, alors que ceux qui espèrent réellement en la miséricorde d'Allah, ce sont ceux qui font les causes et l'effort pour justement obtenir ce pardon et le mériter, et mériter cette miséricorde aussi en même temps. Donc il faut qu'il y ait un effort de la part du serviteur d'Allah, de la part du croyant, pour obtenir la miséricorde d'Allah. Et donc, si la personne est ignorante et qu'elle n'a pas été éduquée islamiquement correct, dans la connaissance correcte de l'islam, c'est possible que cette personne-là, elle soit trompée, par exemple, par des gens qui leur disent « Non, ça, c'est pas haram, ça, c'est makruh. » Alors qu'en réalité, c'est haram clair. C'est sûr que ceux qui ont trompé des gens en les induisant en erreur dans leur croyance ou dans leur pratique religieuse, ils auront un châtiment beaucoup plus sévère et beaucoup plus grand que ceux qui les ont suivis. D'accord? Et il y a des versets à ce sujet-là dans le Coran. Et même que ceux qui ont été induits en erreur par ces gens-là, eux-mêmes vont vouloir même se venger de ces gens-là au jour de la résurrection. Alors, il y a un verset qui dit dans lequel Allah Azza wa Jalla il mentionne, il dit arina alladhina adallana min al-jinn wal-ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin. Il y en a même qui mentionne, il dit il y a des versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla il dit donne-leur le double du châtiment parce que c'est eux qui nous ont égarés. Et Allah Azza wa Jalla leur dit à tous les deux le double. Ouais, parce que d'un côté, ils ont été égarés par ces gens-là, mais d'un autre côté, ils ont pas remis en question rien de ce que ces gens-là leur ont dit. Et ils ont suivi aveuglément. Et c'est ça qui est malheureux. Beaucoup de gens, ils ne font que suivre aveuglément dans la religion sans chercher par eux-mêmes les références et les preuves. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont égarés dans la religion. Parce qu'ils ne font qu'écouter ce que les gens disent. Mais quand est-ce qu'il va prendre le Coran pour lire et comprendre le Coran en regardant les paroles de qu'est-ce que Allah il a dit, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths authentiques. C'est ça la base, c'est ça la référence. Hein? Et ensuite, il y a les paroles des sahaba, il y a les paroles des ulama qui viennent rajouter des explications et des clarifications pour ces choses-là. Mais si quelqu'un n'a aucune base, il faut juste se baser sur qu'est-ce que un tel a dit et l'autre a dit et l'autre a dit et il sait pas, c'est sûr qu'il va s'égarer facilement. Hein? Donc c'est pour ça. Et donc ici c'est ça qui est important de comprendre, que il y a la différence entre la personne qui Allahu Ghafur Rahim. Mais même dans le Coran c'est écrit, parce que Allah Azza wa Jalla il dit نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد هو العذاب الأليم. C'est dans Surat Al-Hijr. نبئ عبادي, informe mon serviteur, أني أنا الغفور الرحيم, que je suis le pardonneur et le miséricordieux, et que mon châtiment, c'est le châtiment douloureux. Wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim, dans sourate Al-Hijr, versets 49 et 50. Donc c'est pour dire que c'est pas juste de se reposer sur l'espoir et la miséricorde et de dire Allahu Ghafurur Rahim. Oui, Allahu Ghafurun Rahimun, mais Allah Azza wa Jal, il est aussi shadidul iqab, il est dur en châtiment. Donc c'est pour ça que les croyants, ils doivent toujours être dans l'équilibre entre la crainte et l'espoir et l'amour, et non pas te reposer uniquement sur la crainte ou uniquement sur l'espoir. Et c'est ça que ces gens-là, c'est ça ce qu'ils font. Ils se reposent uniquement sur l'espoir sans faire les causes et ils oublient complètement la crainte. Ils rejettent, ils délaissent complètement la crainte d'Allah. Et ça, c'est, comme on dit, l'attitude de ceux qui se sont sentis à l'abri contre le stratagème d'Allah. D'accord? Et donc, il faut éviter ces deux extrêmes. L'extrême de ceux qui perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et l'autre extrême, c'est ceux qui se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Donc, il faut éviter ces deux extrêmes-là. Donc, le cheikh, il dit, pour terminer, on va terminer ce passage-là qu'on a expliqué, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, il dit, les khawarij, ils considèrent que si quelqu'un a commis un grand péché, il sort de la foi. Et ils considèrent qu'il rentre dans la mécréance. Il quitte la foi. Et il dit, donc, ils disent, parce qu'il a commis ce péché-là, il devient mécréant, et son sang, ça veut dire que tu as le droit de le tuer, et ses biens, ça veut dire que tu as le droit de prendre tout ce qui lui appartient. Et ils vont pas se baser sur un jugement. C'est eux-mêmes qui décident. Ça veut dire, quand ils voient quelqu'un, il le voit faire un péché, ah, lui il est kafir, j'ai le droit de le tuer, j'ai le droit de prendre son argent, hein, a'oudhou billah. Donc ça c'est la mécréance, ça c'est de l'égarement, pardon, ça c'est de l'égarement. Et ça c'est des positions extrémistes. Et le cheikh il dit, et c'est de ce point de vue là qu'ils sont partis pour faire beaucoup de désordres, des grands problèmes, hein, à l'islam et aux musulmans. Et ils ont fait couler le sang de beaucoup de musulmans avec cette fausse croyance qu'ils ont. Et il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a décrits, les khawarij, il a dit, ce sont les pires créatures et les pires comportements qu'ils ont. Et il a ordonné de les combattre en disant, là où vous les trouvez, combattez-les. Et il a dit, et si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés, comme le peuple de Had. Ça, c'est dans des hadiths authentiques. Même dans une narration, il les a décrits comme étant les chiens de l'enfer. Kilab ou Ahlinar. Et il dit, ce sont donc les gens les plus mauvais, hein, pour l'islam et les musulmans. Même qu'ils sont plus mauvais et plus dangereux que les juifs et les chrétiens pour les musulmans, comme certains ulama l'ont expliqué. Hein? Et il a dit, ce sont les pires des créatures. Et avec les khawarij, il y a aussi les mu'tazila qui sont sur cette position-là, de faire sortir de la foi les gens qui font des grands péchés. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته